Puis là, vous allez dire, mais la tombe bouge, la tombe grouille. La partie de la tombe qui bouge, la partie de la tombe qui est en mouvement, c'est la partie que l'homme observe astralement. Ce n'est pas la partie de la que l'homme observe éthériquement. L'homme, quand l'homme sera dans son intelligence, il créera les conditions de la pensée nouvelle. L'homme créera les conditions de la pensée nouvelle au fur et à mesure, parce que c'est l'esprit qui crée. Donc, si l'esprit veut que telle chose soit connue pour telle raison, dans un tel temps, pour que demain ça soit renversé, l'esprit le fera. Ici, comprends-tu dire? Autrement dit, la connaissance sera toujours une illusion. Ce n'est que le pouvoir créatif qui est réel. Donc, si l'homme aujourd'hui s'associe psychologiquement en vertu des idées, et que demain il s'associe en vertu des idées, et que dans une autre génération il s'associe en vertu des idées, c'est ce qui se produira. Anyway, il y aura toujours une philosophie. Il y aura toujours une philosophie. Mais la philosophie ne servira jamais à l'homme conscient. C'est pour ça qu'il devrait y avoir une sixième race et une septième race et l'abolition totale de tout ce qui est racial sur la planète. Ensuite, une autre évolution où l'homme pourra, au lieu de créer associativement avec ses pensées, un network ou une enveloppe à l'intérieur de laquelle il est prisonnier, l'homme pourra projeter dans l'espace ses pensées et les rendre matérielles. Il n'y aurait plus d'association possible à ce moment-là. Mais d'ici à ce temps-là, l'homme est obligé de vivre ses pensées associativement, et c'est ça qui l'empêche d'être dans l'éther. Et dans votre inconscience, dans votre inconscience qui devient de plus en plus conscience, vous réaliserez ce que je veux dire quand je parle de l'association de vos pensées. Quand je parle de l'attraction, de l'attirance que vous avez pour vos pensées, du plaisir que vous avez pour vos pensées ou du non-plaisir que vous avez pour vos pensées. Alors, le plaisir ou le non-plaisir que vous avez pour vos pensées fait partie du caractère associatif de votre intellect. Il ne peut y avoir dans ceci de la percée venant de l'éther. Autrement dit, il ne peut y avoir dans ceci de l'intelligence créative venant du double à travers l'ego et pour le bénéfice de la vie sur la Terre. L'intelligence n'est jamais pour le bénéfice de l'ego, elle est pour le bénéfice de la vie sur la Terre. L'ego n'est qu'un canal, une lentille. Et essayez de vous imaginer aujourd'hui être dans de l'intelligence ou dans votre intelligence sans que ça vous bénéficie au niveau de l'ego, vous allez voir que c'est top. Votre ego ira toujours chercher quelque chose pour le bénéfice de lui-même, même de l'intelligence. C'est l'illusion de l'ego qui n'est pas dans l'éther, de l'homme qui n'est pas dans l'éther, que l'homme de la conscience qui n'est pas éthérique, mais qui est purement réflexive et égoïque ou égocentrique. C'est pour ça que l'évolution de l'homme, la transmutation de l'homme, elle est longue, elle a son temps. L'homme n'a qu'à attendre égoïquement que ce travail se fasse. Ça ne peut pas se faire plus vite, plus long, mais tant. Mais au moins l'homme a l'impression d'avancer. C'est subtil. Il a l'impression d'avancer. Un jour, quand il n'aura plus l'impression d'avancer, il aura la certitude d'être. Quand vous n'aurez plus l'impression d'avancer, vous aurez la certitude d'être. Quand vous n'aurez plus l'impression d'avancer, vous serez dans l'éther de votre intelligence. Tant que vous avez l'impression d'avancer ou de reculer, qui est encore pire, ben, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans l'éther de votre intelligence. Vous êtes encore dans la matière astralisée de votre intellect qui fait partie de l'association, du caractère associatif de l'ego. Mais au moins pour vous autres, c'est réconfortant. Mais c'est pas finalisant. Et tant que vous aurez l'impression d'avancer, vous aurez une petite souffrance après qui vous fera réaliser que vous n'êtes pas encore assez avancé. Quand vous aurez l'impression d'être heureux, vous aurez une petite tension le lendemain qui vous rendra malheureux. Autrement dit, tant que vous aurez de l'impression quelconque dans votre ego, vous aurez la contre-impression demain après. Parce que tout est polarisé dans l'ego. Fait que si aujourd'hui vous dites, ah, je suis bien aujourd'hui, ça va bien, demain vous avez une suite sur la tête, c'est une loi. Si vous dites aujourd'hui, je suis heureux, un petit peu plus tard vous allez être malheureux. Si vous dites aujourd'hui, ouais, je comprends, un petit peu plus tard vous ne comprendrez pas. C'est toujours de même. Puis un jour, quand vous serez dans l'état de votre intelligence, vous ne serez pas capable de dire je suis heureux, vous ne serez pas capable de dire je suis malheureux, vous ne serez pas capable de dire que j'ai compris, vous ne serez pas capable de dire j'ai pas compris, vous ne serez pas capable de dire rien. Tout ce que vous direz, ce sera créatif. Automatiquement, vous direz des choses qui partiront de vous vers l'extérieur, mais vous ne direz pas des choses qui tournent à l'intérieur de vous pour contenir et maintenir la petite atmosphère astralisée de votre intelligence. Autrement dit, vous n'aurez plus besoin de vous convaincre de votre intelligence, vous serez dedans. En attendant, bien, vous essayez de vous convaincre, en essayant de vous convaincre, bien, ça vous donne une mesure d'un mouvement quelconque, et la mesure de ce mouvement-là, c'est la mesure de votre souffrance, parce que ça vous permet aussi de réaliser que vous n'êtes pas arrivé au point où vous voudriez atteindre. Le point que vous voudriez atteindre, ce n'est pas le point que vous allez atteindre, parce que le point que vous allez atteindre est autre chose que ce que vous pensez au niveau de vos idées. Il est en dehors du caractère associatif de votre intellect. L'homme ne saura jamais où il va dans la conscience cosmique. Parce que la seule partie de lui qui sait où il va, c'est son double. C'est pas l'ego. Moi, au niveau de mon double, je sais ce que je m'en vais, mais au niveau de mon ego, je sais rien. Mais la différence entre mon ego et votre ego, c'est que mon ego est constamment éclairé par mon double. Donc, mon ego, c'est tout ce qui se passe. Mais si mon double coupe de mon ego, c'est final. Je suis totalement neutre. Il n'y a rien qui se passe. Je ne sais rien. C'est comme si tu enlèves la lumière à travers d'une lentille. Elle ne sait plus. Ça, c'est bien important de comprendre. Enlève la lumière derrière une lentille, elle ne sait plus la lentille. Passe la lumière dedans, elle va faire quelque chose. C'est la même chose de la relation entre l'ego et le double. Et l'homme doit prendre conscience de son double. Et pour ceci, il doit être dissocié dans son intelligence. Il ne doit plus s'attacher à aucun concept, aucune idée. Aucune idée. C'est subtil, des idées. On va prendre un livre. Il dit, si la paroisse est une communauté qui réalise d'une certaine façon l'église locale, alors entre elle et la famille conçue comme une communion de personnes, il existe un rapport, une profonde cohésion et co-responsabilité. Alors, ça, c'est une expression psychologique du besoin de l'église pour que soient approuvés les liens entre l'homme et l'église à travers la paroisse. Ceci automatiquement détruit la fiabilité de l'homme vis-à-vis de son intelligence pour le rendre fiable simplement à son intellect, pour préserver la mémoire de ses émotions en fonction de la mémoire de l'Église pour que s'éternise l'histoire de l'homme. Ça va loin. Et c'est pour ça que l'homme est incapable de comprendre ce qu'il lit. Il ne fait que lire des mots qui deviennent de plus en plus pour lui une méthode associative qui le rend prisonnier des idées des autres. Donc, il est incapable de rentrer dans l'état de son intelligence. Ça va loin. Si un homme n'est pas capable instantanément de détruire une forme ou de détruire la correspondance d'une forme avec une autre, il est incapable de sortir du voile que crée son astralité intelligente pour rentrer dans la lumière de son intelligence éthérique. C'est pour ça que j'ai rien contre la lecture, mais j'ai dit, faites attention à comment est-ce que vous lisez. Lisez avec votre intelligence, ne lisez pas avec votre intellect. Lisez avec l'absence de mémoire, ne lisez pas avec votre mémoire. Lisez sans valeur, ne lisez pas avec de la valeur. Lisez des mots pour en comprendre la forme afin d'en découvrir la vibration pour que votre double, au niveau de son intelligence, puisse discourir avec votre ego afin que votre ego ne devienne pas particulièrement prisonnier d'une forme ou d'une opinion qui est mondiale ou particulière dans le monde. Sans ça, vous ne sortirez jamais de votre trou. Vous serez de grands intellectuels, mais vous n'aurez aucune intelligence. C'est ce que je vous dis. C'est la situation de l'âme. L'homme ne peut pas prendre aucun mot pour du cash. On ne peut pas prendre aucune idée pour du cash parce que les idées sont travesties. C'est-à-dire que les idées servent à quoi? Elles servent à la construction d'une cathédrale qui est basée sur le principe de l'astralité de l'intelligence qui devient pour l'homme la finale domination de son ego contre sa volonté suprême qui est la volonté de son éther. Ensuite, vous vous demandez pourquoi dans la transmutation puis dans le mouvement vers la fusion, vous êtes obligé de souffrir l'éclatement de tout ça. C'est inévitable, mes chers amis. C'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitablement inévitable. C'est inéluctable. Ça n'a pas de bout. C'est essentiel. Et ceux qui iront vers l'éther le vivront. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune idée dans toute l'histoire de l'homme, aucune idée dans toute l'histoire de l'homme qui n'est pas destructible par l'intelligence de l'homme. Autrement dit, il n'y a pas une forme qui n'est pas susceptible d'être transmutée par l'intelligence de l'homme. OK. Si ce n'était pas le cas, nos intellects deviendraient tellement atrophiés, tellement fossilisés, qu'éventuellement, le système accumulatif de la mémoire de l'humanité nous rendrait prisonniers d'une condition psychologique atroce, un peu comme on retrouve dans le communisme ou dans les idéologies orientales. Avez-vous déjà parlé avec un communiste? Un communiste là, qui est bien plongé dans les idées de Trotsky, puis Buchanan, puis Lénine, puis Marx, toute la gang, là. Un gars, là, qui comprend ça, la dialectique. Avez-vous déjà parlé avec un témoin de Jéhovah? C'est mieux de vous mettre vite bonheur le matin, Charlie. Alors, toute forme d'idée qui est très bien organisée au niveau du mental, à cause de la grande puissance astrale de la forme, vous ne serez jamais capable de faire sauter ça si vous n'êtes pas dans votre intelligence. Essaye donc de dire à un communiste, toi, que les moyens de production devraient être contrôlés par l'État pour le bénéfice du communiste ou pour le bénéfice de la nation, afin que les individus plus tard puissent en bénéficier d'une façon commune. Essaye donc de faire sauter ça, ce bloc-là. Tu pourras pas. Si l'homme n'a pas l'intelligence suffisante pour voir à travers la forme et réaliser que dans la forme, il y a des options. Dans toute forme, il y a une option. Et que ces options-là sont le produit d'une manipulation extérieure ou intérieure de ses idées, de son esprit, l'homme pourra vraiment le réaliser. Il n'y a aucune idée dans le monde qui ne puisse être rendue autre, qui ne puisse être explosée, déchirée par l'intelligence de l'homme. OK. Moi, je suis prêt à prendre n'importe qui, n'importe quel philosophe, de n'importe quelle société, de n'importe quelle université dans le monde. N'importe quel. Anytime. N'importe. Parce que l'intelligence n'est pas associative. L'intellect, oui, mais pas l'intelligence. L'intelligence ne regarde jamais la forme et ne veut jamais la conserver. L'intelligence veut toujours la faire, la raffiner. Donc, elle la fait exploser. C'est la base, d'ailleurs, de l'évolution de l'humanité, l'évolution des espèces, l'évolution de la science cosmique. C'est la base de l'évolution même des principes éternels de l'infinité. Que rien ne se crée qui soit éternel. Tout se transforme. Fait qu'il est temps que nous autres, au niveau de notre psychologie humaine, nos petites crises d'idées là, qu'on a, là, qu'on est pognés avec depuis des années, puis des années, puis des années, mais réalisez-les un jour. Réalisez-les un jour que vos idées, vos associatives, tout ce que vous avez d'associatif dans votre mental, réalisez un jour que ça, c'est simplement une condition subjective astrale de votre intellect, si vous voulez vous en sortir. Sans ça, vous ne vous en sortirez jamais. Commencez à prendre conscience de vous-même pour en arriver à prendre conscience de votre intelligence, pour en arriver un jour à avoir le pouvoir de votre intelligence. Sans ça, vous serez toujours des créatures du bon Dieu, vous serez toujours du bon monde. Vous serez toujours des prisonniers de quelque organisation, de quelque philosophie ou de quelque gouvernement que ce soit sur la Terre. Vous ne serez jamais des êtres créateurs et vous ne pourrez jamais rentrer en contact avec des êtres qui ont d'autres choses à faire que de regarder le nombril du monde. Mais, moi, je vous le dis, comment même je vous le dirais, Vous allez le comprendre dans votre expérience. Il n'y a absolument rien qui est associatif dans l'homme qui a de valeur réelle. Ça a tout de la valeur relative. Vous autres, là, vous, les hommes, là, vous êtes comme des gens, vous allez dans un théâtre, vous voyez une pièce de Bonnie and Clyde sur le mur, vous pensez que c'est réel. C'est un film. Mais c'est tellement bien fait que c'est réel. Vous êtes dans le théâtre, vous êtes oura, oura, oura, oura. C'est un film. Vous pleurez, là, tu sais. Il vient de se faire tirer, le gars, des grosses larmes. Bon, c'est de même que vous fonctionnez par association. Puis le danger est bien plus grave que vous pensez. Vous ne réalisez même pas le danger. La preuve, c'est que vous êtes en cours de dette. Fait que vous ne réalisez pas le danger. Mais un jour, vous allez le savoir, le danger, parce que vous allez le voir instantanément. Tant que vous ne serez pas capable de vivre votre vie à partir de vous-même vers l'extérieur, qu'il n'y a rien qui rentre, que si vous lisez un livre, il n'y a rien qui rentre, vous leur transpercez le livre, vous transpercez ce que vous entendez. Tant que vous ne serez pas capable de voir vibratoirement ce qui est dans le monde, de le mesurer vibratoirement ce qui est dans le monde, vous serez prisonnier de l'astral. Parce que tout ce qui vient de l'extérieur, au niveau du mental, au niveau de l'émotion, c'est tout du matériel astral. Vous serez prisonnier de l'astral. Vous ne pourrez jamais vivre de votre intelligence. Vous allez avoir peur de votre intelligence. Elle va vous faire peur, votre intelligence. Votre double va vous faire peur. Si votre double vous fait peur, ben, ça va prendre un certain temps avant qu'il se connecte. L'homme a peur d'être intelligent. Il aime bien mieux être ignorant. Ou il aime bien mieux être intellectuel. C'est le fun d'être intellectuel. C'est le fun. Mais être intelligent, ça, l'homme a peur de ça. Pourquoi? Parce qu'il est forcé d'être dissociatif dans ses idées. Il est forcé d'être capable de déchirer constamment, constamment le matériel qui vient vers lui, constamment, constamment, constamment. Vous voyez le combat quand vous êtes dans vos familles ou quand vous sortez d'un séminaire et vous rentrez dans vos familles, des gens qui sont. Qui ne savent pas ce que c'est un séminaire ou qui, les gens qui ne s'intéressent pas à ces choses-là. Vous le voyez, qu'est-ce que c'est le combat entre vous et ces gens-là? Bon, bien, le même combat existe entre vous et le double. Alors, vous avez le combat entre vous et l'extérieur, et vous avez le combat entre vous et votre double. Alors, ceux qui sont marqués pour le double, par le double, pour éventuellement une fusion, c'est évidemment qu'éventuellement, ils vont vous faire sauter votre petite association quelconque. Ce que vous pensez. Tu ne peux pas penser à quelque chose puis créer en même temps. C'est impossible. Pour créer, il faut que tu penses. Pour créer, il faut que tu n'aies aucune capacité associative. Là, tu peux créer. Aussitôt que tu as une faculté ou une capacité associative, ta créativité est infirmée. Parce que tu vas avoir de la mémoire. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez un livre? Prenez un livre quand vous allez chez vous, là, regardez un livre, n'importe quel livre, regardez un livre, là. Puis comparez ce que vous savez avec le livre. Regardez le livre, là. Vous allez voir que le livre est tellement bien fait, il est tellement, tu sais, c'est tellement bien fait. Là, vous allez douter de ce que vous savez à cause de ce que vous lisez. Si ça tombe dans le domaine un petit peu de poussé. Vous allez douter. Parce que vous n'êtes pas capable de voir instantanément à travers le texte, à travers ce qui est dit. Fait que c'est bien. Les témoins de Jéhovah qui arrivent chez vous demain matin, Charlie, là, vous êtes mieux d'être bien bottiné. Si il est bien bon, le gars, là, parlez pas de moi. Ah, ça. C'est final. L'antéchrist, ça vibre, c'est. Vous pensez que vous êtes solide quand vous êtes dans votre bureau, là, ou quand vous êtes dans votre salle d'études, vous avez des jeunes avec qui vous parlez. C'est quand, parce que quand vous êtes votre propre patron, là, vous n'êtes pas sous attaque. Mais rencontrer quelqu'un là, qui est capable de vous mettre dans le coin, vous boxer un petit peu, là, parce qu'il sait que vous êtes un drôle de moineau, vous avez des drôles d'idées, là. Vous allez voir que ça vibre, c'est. Vous allez voir que vous n'êtes pas aussi solide que vous pensez. Allez voir votre boss demain matin, parlez-y des extraterrestres. Vous allez voir la réaction, puis suivi, vivez de la vibration qu'il y a en vous, puis lui. Vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes associatif. Puis que son association à lui, qui est encore plus forte que la vôtre, peut faire vibrer votre plexus solaire. Parce que pour parler des extraterrestres, puis toute cette patente-là, il ne s'agit pas simplement d'avoir lu des livres. Ou même d'avoir vu des lumières dans le ciel qu'on pense que c'est des extraterrestres, c'est des avions qui arrivent d'Europe. Il faut le savoir. Il y en a combien d'hommes sur la Terre qui savent que ça existe, ça? Il y a combien d'hommes sur la Terre qui savent que ça existe, ça? Qui savent absolument que ça existe, là. Pas qui savent que ça existe parce qu'ils ont vu des lumières dans le ciel, que ça vient de Westinghouse, puis ils pensaient que c'était des ça, tu sais. Il y en a combien? Puis il y a combien d'hommes sur la Terre qui savent? Combien ils ont mis? Peut-être le seul, vous le dites. Fait qu'on a beaucoup à apprendre. Beaucoup à apprendre. On a tout à apprendre. On a tout à réapprendre. Fait que c'est pour ça que je vous dis, l'association qui est créée dans votre mental à cause de vos idées, ainsi de suite, checkez-les. Parce que c'est ça qui bloque, c'est ça qui bloque votre intelligence. C'est ça qui vous enlève le pouvoir du double sur votre ego. Vous autres, vous pensez que c'est bien facile d'être intelligent? C'est pas facile d'être intelligent. C'est le résultat d'une très grande bataille entre l'ego et l'astral. C'est pour ça qu'on parle de la mort de l'ego. Pas la destruction, mais le clean-up. C'est une grande bataille d'intelligence. Quand l'intelligence est rendue qu'elle passe à travers d'un homme matériel, c'est parce qu'il y a eu un grand combat dans cet homme-là. Alors, les hommes qui deviendront intelligents seront obligés de vivre le combat. Quand vous êtes dans votre tête puis vous pensez à différentes choses, de différentes façons, puis de toutes les couleurs, ça fait partie du combat. Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de ça dans votre tête. Mais à ce moment-là, ce sera l'éther et l'ego qui seront en relation étroite. En attendant, vous vivez l'expérience. Mais découragez-vous pas. On est chanceux, on sait ce qui se passe. Ah, je dis pas si on ne savait pas ce qui se passe, mais on sait ce qui se passe. Puis on commence à apprendre. On commence. L'homme commence à apprendre. Et ce qui est plus drôle dans le phénomène de l'intelligence, c'est quand on commence à apprendre, on s'aperçoit que c'est sans fin, cette affaire-là. Et nous autres, on n'est pas capable de s'imaginer les êtres humains, parce qu'on fonctionne associativement, on n'est pas capable de s'imaginer que c'est sans fin d'intelligence. Il y a bien des gens qui viennent des séminaires, puis des fois, ils disent, bon, il va bien arrêter une minute, puis là, il n'y aura plus rien à dire, ce gars-là. Là. Il y en a bien... Même moi, je me suis déjà demandé. Hein? C'est sans fin de l'intelligence. C'est à l'ego d'être capable de la vivre sans fin. Ceux qui ont peur dans leur mental de perdre leur identité psychologique, mais... Allez dans le club un soir, prenez un scotch, vierge. Suivez-vous, perdez-le un petit peu, ça va peut-être vous aider à la perdre réellement après. Mais je vous comprends. Arrêtez de vous accrocher à ce que vous pensez que c'est. C'est pas ça. C'est pas ça. tout ce que vous pensez que vous pouvez vous imaginer que c'est pas ça. Fait que lâchez-les. C'est pas ça. Puis le phénomène de l'association, il existe au niveau des sciences cosmiques, des sciences ésotériques, puis la venue du Christ, puis la sixième race, puis tout ça existe. Il y en a encore de l'association, là. C'est pas ça. La sixième race, c'est pas ce que vous pensez. La venue du Christ, c'est pas ce que vous pensez. Il n'y a rien de ce que vous pensez qui est ça. C'est pas ça, pantoute. Vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est. La fin du cycle, vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est pas ça. Les extraterrestres, c'est pas ça. Si vous le saviez, vous seriez dedans. Fait que comme vous êtes pas dedans, c'est pas ça. C'est d'autres choses. Ça sera toujours d'autres choses. Une des plus grandes réalisations que j'ai faites dans ma vie, c'est de réaliser que c'est jamais ça. Ça, ça a été ma plus grande réalisation. Si quelqu'un disait, qu'est-ce que c'est la plus grande réalisation que vous avez vécue dans votre vie, je dirais, c'est ça, c'est pas ça. C'est dans cette direction-là, mais c'est pas ça. Je leur ai déjà dit, mais comment ça se fait que c'est jamais ça, comme ça que tu me le dis? Puis ils disent tout le temps, c'est pas de tes affaires, tu verras dans le temps. Parce que tant qu'on est dans la matière, on est obligé de vivre la dissociation. Qu'est-ce que c'est la transmutation? C'est la dissociation absolue de l'âme. Je vais vous en donner une autre définition de la transmutation. C'est la dissociation absolue de l'homme au niveau du mental et de l'émotion. C'est ça la transmutation. Fait que déjà la transmutation, c'est pas ce que vous pensiez, hein? C'est d'autres choses. Ça, c'est une des plus grandes réalisations que j'ai vécues, moi. C'est que c'est jamais ça. C'est toujours d'autres choses. Et quand les gens conscients comprendront ça, là, les gens conscients commenceront à prendre un break. Au lieu de faire de l'overtime. Puis vous seriez surpris de réaliser jusqu'à quel point vous pensez que telle chose, ou telle chose, ou telle chose, ou telle chose, surtout en ce qui concerne votre conscience, votre conscientisation, votre avenir, le contact entre les têtes et la matière, le contact entre le Christ et la terre, toute la patente, là, t'sais, tout ce qui est dans la Bible, puis des livres, puis des librairies, tout ça, vous seriez surpris si vous saviez qu'est-ce que c'est. Ah, sacrément! Vous seriez surpris. Vous seriez tellement surpris que si vous étiez à ma place, parce que moi j'ai un rôle à jouer dans l'évolution de l'homme, si vous seriez à ma place et que vous le sauriez et que vous n'étiez pas fusionné, vous auriez peur de l'être. Ça vous donne une idée un peu. Parce que vous fonctionneriez par association et vous verriez tous les événements de votre vie future en fonction d'une association quelconque. C'est pour ça que c'est pas bon que l'homme connaisse son avenir et que l'homme connaisse sa destinée. Mêlez-vous de vos affaires. C'est pas de vos affaires. C'est de vos affaires sur un autre plan. Attendez que ce plan-là descende sur le plan de votre ego pour que vous en preniez conscience. À ce moment-là, vous serez dans l'intelligence de votre destinée. Vous saurez où vous en êtes, d'où vous venez, où vous allez, et ainsi de suite. En attendant, prenez ça ici. Tombez pas dans les pommes chaque fois que vous changez au niveau de votre conscience. Tombez pas d'impendre. Prenez un break. Arrêtez de vous chercher pour l'amour du bon Dieu. C'est pas ça. Vous allez être autre chose que ce que vous cherchez à être. vous ne serez jamais ce que vous cherchez d'être. Ce que vous cherchez à être, ça fait partie de votre association. C'est pas ça. La plus grande vérité que j'ai jamais dit à l'homme, j'emploie le mot vérité, puis c'est rare que je l'emploie, hein? La plus grande vérité que j'ai dit à l'homme, c'est que c'est pas ça. Que vous êtes bien fait vrai. Quand je vous parle, occupez-vous pas de ce que je vous dis. Parce que c'est jamais ça. Puis quand je serai sûr là, que les gens sont suffisamment capables de ne pas s'occuper de ce que je dis, là, je pourrai vous dire des choses qui seront ça. Mais à ce moment-là, je ne créerai pas de choc et ma parole ou ce que je dis ne sera pas sujet à des interprétations. Là, je pourrai vous dire que c'est ça. Là, à ce moment-là, vous comprendrez facilement le mouvement définitif de l'évolution de la cinquième race pour sa pénétration dans l'éther de la sixième. Je dois me retenir. Je voudrais bien vous parler du mariage puis du couple. J'en ai des affaires à dire là-dedans. Mais je peux pas vous le dire parce que c'est pas ça. Vous autres, si je vous parle de ça, vous allez commencer à vous séparer. À faire des expériences. C'est pas ça que je veux dire. Il y en a une parmi vous autres que je vais me servir comme canal pour vulgariser ce que je veux dire, c'est Ghislaine Chiasson. Ghislaine Chiasson, c'est celle qui à travers laquelle je vais vulgariser. C'est elle qui va vulgariser ce que je veux dire au niveau de la transmutation du couple et tous les aspects de la sexualité de l'homme futur. C'est elle, Chiasson. J'ai pas commencé encore, c'est pas le temps. Ça va être une grande sexologue, Chiasson. Ça en vient bien, là. Mais il faut qu'elle me comprenne. Mais il faut qu'elle comprenne au niveau de son intelligence vibratoire. Pas au niveau de son intellect. Au niveau de son intelligence vibratoire. Après ça, elle pourra vulgariser ce que je dis. Là, ça servira au monde. Dans les écoles, dans les hôpitaux, whatever. La transmutation du couple, c'est l'aspect le plus important de l'homme avant le passage d'un plan à un autre. Là, ceux qui ne sont pas couplés vont commencer à s'inquiéter encore. C'est toujours la même affaire. Je parle du couple. Demain, je parlerai des célibataires. Parce que dans le couple, il y a un petit noyau bien fin, un couple. Ce petit noyau-là, il est totalement astral. Puis il est fait de quatre faces. Possession, sécurité, amour subjectif et astralité mentale dans la sexualité. Ces quatre affaires-là. Puis ça, un jour, il faut que ça soit éclaté. Alors, ceux qui vont passer d'un plan à un autre vont voir cet éclatement de ce petit noyau-là. Il y aura transmutation du couple, là. Parce que le couple n'existe pas sur la Terre. Vous autres, vous pensez que c'est du couple. C'est pas du couple, c'est de l'accouplement. C'est pas pareil, de l'accouplement et du couple. Vous autres, vous êtes accouplés, vous n'êtes pas des couples. Vous êtes accouplés, vous n'êtes pas des couples. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un couple. Vous serez un couple. Un couple, ça ne peut pas exister dans la matière. Un couple, ça existe dans l'éthérique. Alors, la transmutation de votre accouplement sur le plan matériel créera le couple dans l'éther. Mais si vous commencez à interpréter ce que je veux dire au niveau de votre matière, mais là, vous allez faire des enfants à gauche et à droite. Fait que j'attends, je suis patient à vous parler du couple. Il y en a un qui est venu moi, une fois. Il me dit qu'il a entendu que Bernard Morel, il avait dit qu'il faut se séparer dans la vie. Mène-toi, c'est brillant. Puis ensuite, vous me demandez pourquoi est-ce que je ne laisse pas sortir mes cassettes. Heureusement, je ne les laisse pas sortir. Je pense qu'un jour, mais je ne sais pas ce que ça va faire, en tout cas. Mais mettre des mains de Bernard Labelle. d'un tigre quelque part. Il doit y avoir des tigres parmi nous autres, là. Bien sûr, ils ne sont pas. Les gens sont pas intelligents. Les gens retardent mon travail. Les gens retardent ce que j'ai à dire. Les gens retardent ma parole. C'est le monde qui m'empêche de parler. Pas moi. Avec tout le feedback que j'ai, puis le feedback, puis le feedback, puis le feedback que j'ai. Heureusement que j'ai des bonnes oreilles. C'est inouï ce qu'on dit de ce que je dis. C'est inouï. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne par association. On n'est pas dans notre intelligence. Fait qu'apprenez à prendre du recul quand je vous parle, surtout quand je vous parle de certaines choses, comme dans le... Quand je commence à expliquer la transmutation ou la transformation extrêmement rapide de l'homme de demain en fonction des structures de la cinquième race, prenez un break, prenez du recul, sachez que ce que je veux dire, c'est pas ça!